Sobieslava par Léopold von Sacher-Masoch. C'était en 1863. Dans la Pologne russe venait d'éclater une insurrection. Sobieslava, une grande et belle jeune fille, résolut de former un corps d'Amazones pour combattre les moscovites. Des femmes et des jeunes filles de toutes conditions au nombre de 117 vinrent se ranger sous ses ordres. Nous traduisons ici textuellement le dernier épisode de cette campagne. À la pointe du jour, les Amazones atteignirent un petit bois à proximité du village de Kourlibaka. Deux d'entre elles y partirent pour en rapporter des vivres. La petite troupe était occupée à faire la cuisine, lorsque des deux côtés se montrèrent des hussards russes conduits par des paysans. « Trahison ! » s'écria Sobieslava. « Vendons chèrement notre vie !» Elle fit attacher les chevaux aux arbres dans le milieu du bois et divisa sa troupe. Elle-même se cacha avec une partie sur la lisière nord derrière de hauts tas de neige et des sapins peu élevés, la comtesse Casimira avec l'autre partie sur la lisière sud. Les Russes envoyèrent des éclaireurs qui s'approchèrent du bois et n'entendant pas de coups de fusil, revinrent en disant qu'il n'y avait pas d'ennemis. Le commandant des hussards ordonna la moitié de ses soldats de mettre pied à terre, puis ils pénétrèrent dans le forêt la carabine abaissée. Sobieslava laissa les ennemis approcher à 10 pas. Les Amazones firent feu subitement, beaucoup de Russes tombèrent, les autres tirèrent en l'air et s'en allèrent. En ce moment, les Polonais s'élancèrent à l'improviste sur cette partie des Russes qui était postée au nord du bois. Après une courte mêlée, les premières eurent le dessus, les hussards prirent la fuite, le commandant essaya en vain de les arrêter. Ses paroles ne produisirent pas plus d'effet que les coups de plat de sabre qu'il octroya au fuyard. Sobieslava sauta subitement près de lui et chercha à l'atteindre à la tête. Il para, mais le coup atteignit son bras. En même temps, un coup de pistolet abattit son cheval, et tandis que les soldats étaient poursuivis furieusement par les Amazones, Sobieslava faisait le commandant prisonnier. Les Russes, du côté sud du bois, s'étaient également retirés. Lorsque les Polonaises revinrent avec 4 hommes désarmés, il n'y avait plus nulle part trace d'ennemis. L'officier russe regardait tout étonné cette femme qui était devant lui. Elle n'avait encore jamais vu un homme si beau et il était surpris de se trouver en face d'une femme aussi charmante. Sans savoir ce qu'elle faisait, elle prit son mouchoir et pansa sa blessure, tandis que les autres femmes donnaient le coup de grâce au blessé ennemi qui était resté sur le lieu de la lutte. La troupe des Amazones avait diminué. 3 femmes étaient tuées et 11 blessés, parmi ces dernières la comtesse Casimira. Mais Sobieslava ne se découragea pas. Plus de 30 cadavres russes et 5 prisonniers étaient les trophées de la victoire. Elle fit lier ces derniers les mains derrière le dos, puis on les attacha à une longue corde, de sorte qu'une femme suffisait à les garder. Avec toute la troupe, on se dirigea ensuite vers le village. Les paysans qui s'étaient attroupés furent dispersés à coups de revolver, et le feu mis aux misérables chaumières. En peu de minutes, tout le village était en flammes. Les Amazones s'emparèrent de 3 voitures auxquelles elles attelèrent 4 chevaux, y chargèrent leurs blessés et se retirèrent en emmenant les prisonniers. « Pourquoi ne les fais-tu pas fusiller ?» demanda Casimira. Sobieslava ne répondit point. Elle marchait sur la route. La voiture qui contenait les blessés ne pouvait plus avancer. Elles auraient mieux aimé mourir que de les abandonner. Le sort leur fut favorable. À la lueur du soleil couchant, ils aperçurent le cloître Svientidush, dont les moines faisaient cause commune avec les insurgés. Avant la tombée de la nuit, ces troupes de héros étaient accueillies dans les murs protecteurs. Les moines prirent soin des blessés et de celles qui ne l'étaient pas. Les hussards furent mis dans une cave et l'officier fut enfermé dans une cellule dont la fenêtre était treillissée. « Jugeons les moscovites, » dit Casimira, dont le front était entouré d'un mouchoir couvert de sang. « Pourquoi si vite ?» répondit Sobieslava. « Parce qu'ils peuvent être dangereux pour nous. »« À quoi bon un tribunal ?» dit Sobieslava. « Fusillons les prisonniers, mais je veux épargner un blessé. »« Tu veux faire grâce de la vie à l'officier russe ?» Sobieslava ne répondit pas. « Convoque le conseil de guerre, » reprit Casimira. « Laisse-le vivre. » dit Sobieslava, pour l'amour de moi. Traîtresse, Si tu es infidèle à la sainte cause, s'écria la comtesse, je prendrai le commandement et je te ferai punir. Je suis humaine, bégaya-t-elle. Pourquoi plutôt pour lui? Je ne sais pas. Bien moi, je désire celui-ci. Je ne connais pas la pitié, et comme tu hésites, remets-le entre mes mains. Non, répondit fièrement Sobieslava. Je commande ici. Tu m'as juré obéissance, il ne mourra pas. La comtesse s'éloigna. Un quart d'heure après, toutes les femmes pénétraient dans la chambre de Sobieslava et demandaient la mort de l'officier. Une amazone montra ses blessures, une autre lui reprocha sa trahison, une troisième désirait venger le sang de celle qui était morte. Sobieslava était muette. « Ne l'interrogez pas plus longtemps, dit l'une d'elles, tuez-le. Silence ! Je commande encore ici, et celle qui ne m'obéit pas, je la tue. » Toutes se calmèrent. « Demain, à l'aurore, dit Sobieslava, les prisonniers mourront. Ta parole, ma parole. » Peu de minutes après, Sobieslava entrait dans la cellule de l'officier. « Je voulais vous sauver la vie, dit-elle, je ne le puis pas. » « Je suis le capitaine de cavalerie Alexandre Berg, fils du général de ce nom. Le gouvernement m'échangera volontiers avec un des chefs insurgés. »« Parole perdue, répondit-elle, demain à l'aube, vous mourrez. Ainsi, pas de salut, aucun. » Et elle se détourna pour cacher son visage dans ses mains. « Vous pleurez. Pour moi ? » s'écria l'officier. « Adieu. Non !» Il la retint. « Dites-moi pourquoi j'ai mérité votre pitié. »« Je ne sais pas, » balbutia-t-elle, « mais je ne vous survivrai pas. »« Mademoiselle, comment vous nommez-vous ? » ?»« Sobieslava. » »« Pourquoi dois-je apprendre à vous connaître en cet endroit, en face de la mort ?» continua Berg. « Quelle cruauté du sort de me montrer la vie si belle, si séduisante, au moment où je vais la quitter. »« Taisez-vous, » reprit-elle, « vous me déchirez le cœur. » « Je ne comprends pas, » dit le Russe. « Comment vous, mon ennemi, vous ne me haïssez pas ? Vous voulez me faire grâce de la vie ? Oh mon Dieu ! » s'écria-t-elle en sanglotant. « Vous ne voyez donc pas que je vous aime ?» L'officier l'enlaça dans ses bras et il cacha, en pleurant, son visage sur sa poitrine. « Je suis à toi !» s'écria-t-elle avec une sauvage exaltation. « Si je ne puis vivre pour toi, eh bien, je mourrai avec toi. » Je te suivrai là où il n'y a pas de haine, là où est l'amour. Tout ceci me semble un rêve, murmura le Russe. Et toi, m'aimes-tu aussi ? Demanda-t-elle. Plus que ma vie. À l'aube, les prisonniers étaient conduits dans la cour du cloître. Le capitaine Berg était pâle, son bras était entouré du mouchoir de Sobieslava. Lorsqu'elle sortit de la chapelle où elle avait prié, il la salua. Devant chacun des cinq condamnés étaient deux amazones, le revolver en main. Berg regardait Sobieslava qui, malgré sa fourrure, paraissait avoir froid. Elle leva le sabre et commanda « Feu !» Tous les cinq tombèrent. Berg était agenouillé, sa tête pâle appuyée contre le mur. Il vivait encore, quoique son sang coulât sur la neige. Sobieslava s'approcha de lui et lui donna le coup de grâce. « Suis-je une traîtresse ? » demanda-t-elle. « Non, tu as rempli ton devoir, » répondit la comtesse. « Non, » s'écria-t-elle, « j'ai fait plus. J'ai sacrifié l'homme que j'aimais. » Un coup de revolver se fit encore entendre, et Sobieslava tomba morte sur le cadavre de son bien-aimé. Une heure plus tard, les Amazones quittaient le cloître pour combattre, et les moines mettaient le Russe et la Polonaise dans la même fosse. C'était Sobieslava par Léopold von Sacher-Masoch.